voulais une chanson d'amour de moi, un petit air qui ne soit que pour toi, un couplet passionné, romantique et sucré, un refrain poétique, un rien mélancolique, une rythmique qui n'en finirait pas, une mélodie sans jalousie, une gamme majeure qui annihilerait mes peurs, une harmonie. I like the way you move, I would like you choose me. I like the way you dance, I like a fine romance. I like the way you love me, I would like you hold me. I like the way you walk, baby, I like the way you talk to me. I like the way you sing the love song you wrote to me. I like the way you love, I like the way you make love. Baby, je n'aime que toi, baby, je n'aime que toi. Un petit air qui ne parle que de toi, un couplet passionné, positif et sucré, un refrain poétique, un rien mélancolique, une rythmique qui flatte ton narcissisme, une mélodie sans jalousie, une gamme majeure qui annihilerait mes peurs, une harmonie. I like the way you wet your lips, I like the dimple in your cheeks, I like the way you make my dish, I would like to grant my wishes. I like the way you smile, I even like when you cry. I like the way you taste the wine, I like when you hold me in your arms. I like to lick you like you like, I like to make you mine. I like the way you say my name, Clementine, in a whisper. Baby, j'aime que toi. Une chanson d'amour, ça te va? Un petit air, mais tu n'es plus là. Un couplet passionné, moi je t'attendrai. Un refrain poétique, c'est un peu pathétique. Une rythmique, ça servira à quoi? Une mélodie, puisque tu es parti. Une gamme majeure, je reste avec mes peurs. Une harmonie, mais quelle harmonie? J'aime comme tu bouges, j'aime comme tu me touches, j'aime ta façon d'embrasser ma bouche. J'aime comme tu chantes, comme tu te déhanches, j'aime comme tu danses, baby baby j'aime tes jambes. J'aime tes jours, j'aime tes nuits, j'aime ta façon d'envisager la vie. J'aime tes envies, avec toi j'aurais aimé partager ma vie. Mais baby tu n'es plus là, plus là, plus là, plus là, plus là.